tire en l'air. Un show vise le crâne, vise le cœur. T'es une bouca, va niquer ta mère. 2008, t'assure que c'est mon heure. Comme tout le monde, tu me cherches de douille sur le rein. T'es les ramasseurs de balles perdues, s'effondrent. Tu parles sur moi, t'es jaloux de moi. T'as beau être le frère de connaître, je sais pas qui. 2000 clics, y'a plus d'âge. Flow official, t'es trop d'art. Les mecs tirent en laissant leur palus sur le trottoir. Gros brasse partiale, 300 au compteur, 9-5-5 grattes. Mon bunker, attends d'apprendre que j'ai baisé ta sœur. Va niquer ta mère, mon bif se crucifie. Pas de place pour toi, sur le terre-terre. Que des glottes, et de la coke. Par choc, habitué au père qui assistent au plan. Si t'es comme nous, tire en l'air. Un show, vise le crâne, vise le cœur. T'es une bouca, va niquer ta mère. 2008, t'assure que c'est mon heure. Si t'es comme nous, tire en l'air. Un show, vise le crâne, vise le cœur. T'es une bouca, va niquer ta mère. 2008, t'assure que c'est mon heure. J'emmène roue avant dans leur trou de bois. Ils veulent juger mon beurra. Ils disent du mat de la Nord 5. Y'a des scies écartées ton boule. Pas que tu vends que de la drogue douce. J'ai passé poil et d'or et les couilles. Avec ma pique dans ta bouche. Les poils ouf dans ton clip. Les gold code c'est pas ton équipe. T'as compris c'est notre épique. RAMB là pour tout ni. Ma soeur de la casson qui est, j'suis décidé, j'pense qu'y'a sur ta bombe, on va parler de mon RAP. Tu veux jouer l'ennemi, mais dans ma tête y'a pas de juré. T'es pas la Star Academy, c'est moi qui pose ton bout sur les lyrics. DMS, Ratmou, ou XV de LGF, qu'on mette l'or dans le pleura. Qu'on prenne nos coups, et puis qu'on leur enlève leur gros sapeux. Qu'on les baisse à deux qui finissent dans une cape. Depuis mon départ de Stalingrad, j'me dégrade. J'rappe et j'ne cesse de monter en crade. Si t'es comme nous, tire en l'air. Un show, vise le crâne, vise le cœur. T'es une bouca, va niquer ta mère. 2008, t'assure que c'est mon heure. Si t'es comme nous, tire en l'air. Un show, vise le crâne, vise le cœur. T'es une bouca, va niquer ta mère. 2008, t'assure que c'est mon heure. Par ici la monnaie. J'suis le best, le king pour être honnête. Par ici la monnaie. J'suis le best, le king pour être honnête. J'refuse rien, j'reviens de loin. Aucune balle ne m'atteint, j'ai la rime par balle. Plus d'une flèche à mon arc et d'une bastos dans mon pareiller. Qui a dit qu'on n'y arriverait pas? Ouais, Renan, encore comme but d'être number one. Ces batteurs souhaitent nos chutes, veulent nos tues, nos buts. Raconte même de la flûte, leur attitude de pute mériterait qu'on les insulte. On n'est pas crochés à la vie, pourquoi tu veux qu'on se calme? On met les gants à la recherche des grandes gueules. Quand le taf est fini, on se casse, qu'on est en phase 2. Ils nous sur les pompes, ils veulent boycotter la vérité. On raconte des mensonges. Si t'es comme nous, tire en l'air. Un show, vise le crâne, vise le cœur. T'es une bouca, va niquer ta mère. 2008, t'assure que c'est mon heure. Si t'es comme nous, tire en l'air. Un show, vise le crâne, vise le cœur. T'es une bouca, va niquer ta mère. 2008, t'assure que c'est mon heure.